Oh, les gens ont plus de sous. Thank you. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là où on bouge. Thank you. We'll be right back.

We'll be right back.